jamais tu souris, jamais à moi, jamais tu souris, jamais à moi. Tablette poussiéreuse, je te parle, ôte tes mains peureuses, entends-moi, entends ce que j'ai à dire.